Ça fait longtemps déjà que j'attends, je t'attends pour te revoir une fois. Viens un jour, viens, retrouve-moi au même endroit. Embrasse-moi, tu verras, tout sera comme autrefois. Ça fait